aura du bout des doigts les étoffes les plus chères autour de nos gras coudoirs. Le vent nous montons fiers et gueulons, nous sommes les rois. Navigant téméraire sur nos coques en or de noix. Navigant téméraire sur nos coques en or de noix. Oui, mais toi, tu dis que tu n'y crois pas. Et t'ajoutes que t'en as rien à foutre. Que le bonheur n'est pas dans la monnaie, mais ailleurs caché dans chaque journée. Quand on sera milliardaire, on grignotera sans les doigts. L'auriculaire en l'air, salissant des nappes en soie. Traverseront les mers pour s'envelopper de gras. Et bientôt l'univers ne sera là que pour moi. Et bientôt l'univers ne sera là que pour moi. Oui, mais toi, tu dis que tu n'y crois pas. Et t'ajoutes que t'en as rien à foutre. Que le bonheur n'est pas dans la monnaie, mais ailleurs caché dans chaque journée. Quand on sera milliardaire, on dansera nu sur les toits. On habitera la terre de Saint-Barth à Nouméa. Et l'histoire à l'envers ne m'intéresse pas. Arrimons la galère et marchons sur les lois. Arrimons la galère et marchons sur les lois. Oui, mais toi, tu dis que tu n'y crois pas. Et t'ajoutes que t'en as rien à foutre. Que le bonheur n'est pas dans la monnaie, mais ailleurs caché dans chaque journée.